lis encore dans le verset 15 encore, tout autrement, jusqu'au verset 16, je dois être dans le traçon. Mon nom. Celui qui m'a fait dans le ventre, ne l'a-t-il pas fait si tu ne viens pas ici. N'est-ce pas un seul qui a entrepris de nous préparer dans la matrice? Si je refusais, au petit maintenant, neuf, explique que tu as lu le verset 15, 16, on dit quoi? Que dans le ventre, comment ça se passe? Bon, peut-être. Non. C'est lui qui a fait dans le ventre. C'est-à-dire? Non, mais... Avec ta théorie tout à l'heure que tu as dit là. Mais ça va être dans le ventre. Avec, il dit avec la théorie que tu as racontée là. Oui. En tout le cas, de David, c'est ce que David est spécial. Ici, c'est encore dur. Voici quelqu'un qui est. Il a de l'argent, il a de parler d'un serviteur qui aurait. Non, je t'en pas, non. Je suis en dire que non. C'est comme vous pensez. C'est que, c'est spécial. C'est que tous ces gens sont spéciaux. Mm. Puisque Dieu l'a fait spécialement dans le ventre chacun. Mm. Donc, tu n'es pas spécial. Tu penses que c'est le job aussi à réaliser. Tu ne peux pas réaliser ça. Moi, pour moi, c'est façon de parler. Les mêmes problèmes qu'on rencontre de nos jours aussi. Tu parles de la vie. Bah, ça, oui, justement, il m'a fait parce que justement, il a voulu que je sois pas. Il a créé, il faut le travail, c'est tout. Ça, comment je comprends. De te créer, ta mère a quel pouvoir? Il a donné le pouvoir à la femme et homme de feu, c'est son produit. Tu as le pouvoir. C'est pour toi. Puisque tu as donné le pouvoir, la femme de produire. Non, tu sors, c'est pas plus la tête. Tu sors, c'est Anne. La sirop dans un verset biblique, Anne voulait enfanter. C'est Dieu qui faisait là-bas, elle n'enfantait pas. Tu sais ça? Mais bien sûr, le pouvoir de faire non! Il a le pouvoir de te modifier comme il veut dans le ventre. Je ne refuse pas! Alors, tu as refusé ici! Je refuse, on ne se comprend pas! Pourquoi tu veux que nous tournions? On ne se comprend pas, c'est tout! On ne se comprend pas! Déjà, pas les thèmes pour vous expliquer comment je veux. Moi, je comprends, c'est tout! On ne se comprend pas! Moi, on comprend. L'homme et la femme font leur sexe. La femme tombe enceinte, elle accouche. Ce sont les gènes du grand père qui entrent dans les gènes de la femme, c'est etc. etc. Rapidement, tout à l'heure, dans l'introduction de mon nouveau madame. Madame, il passe ça. Ça ne vient pas bien. Tu es dans Gala. Tu as ouvert là-bas aussi. Gala, c'est où? Le nouveau, là, c'est un nouveau. Oui, je ne connais pas si Gala. J'ai dit, mais c'est bien. Une Bible comme ça, c'est bien. Tiens, là où je quand j'étudie et suis là. Si ça avait été la mienne, je devais te donner, mais c'est qu'on m'a donné. Non, pas ça, non. J'ai ma Bible. D'accord, ou bien, on m'a demandé. Il va te demander à. Il faut filmer cela. Tu vois, quand tu vas voir ta copine Laetitia et Yahoudi, tu te demandes qu'elle trouve ça, d'accord? D'accord. C'est facile à se retrouver, tu guettes seulement. Maintenant, tu y es, mademoiselle. Georgia, tu y es. Non, je sais pas. Je vais essayer. Vous y êtes. Soyez concentré au niveau de la parole. Lisons le verset 13 et suivant. Verset 13, toi lis d'abord tes témoins de Jéhovah. Vous avez en effet vous entendu savez. Parler. Oui, oui, vous avez su. Mmh. En effet, entendu parler de ma conduite autrefois dans le judaïsme. Mmh. Et vous savez que c'est jusqu'à l'excès que j'ai continué à persécuter la congrégation de Dieu et à la dévaster. Et que je faisais de plus grand progrès dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma race, parce que j'avais bien plus de zèle pour les traditions de mes pères. Mais tant Dieu qui m'a séparé de la matrice de ma mère et m'a appelé par sa faveur imméritée à juger bon de révéler son fils. De révéler son fils à mon sujet, bon, maintenant, que j'annonce. Ça va. Il dit que

Non, attends, tu as dit que moi, je peux encore accepter ça, c'est je. Tu as dit c'est toi. Tu peux encore accepter telle chose. Parce qu'elle a dit ici, elle a dit je peux faire telle chose, je peux faire telle chose, je peux faire telle chose. Mais moi, je ne trouve pas si je mets mes juste. Mais tu ne trouves pas que c'est méchant. Non, tu ne trouves pas que c'est méchant. Est-ce que toi... Et lui, il ne se trouve pas. Lui, okay. Je sais qu'il ne trouve pas que c'est méchant. Ok, tu dis que tu ne sais pas, tu ne trouves pas. Elle a dit soyez descend. Moi, la descend, c'est ça, ça arrive, il sait descend. Je sais pas ce que ça veut dire, être descend. Être descend, c'est quoi? Est-ce que c'est parti les seins et les fesses? Regarde ici. Même les cuisses, lui. Regarde ici, c'est à moi que tu parles, moi tu parles, tu la regardes. Elle a répondu. Bon. Pour moi, ce qui a dit, ce qui a attiré, c'est la femme. C'est le lot, ses fesses, ses cuisses. Tu dis que... Après, moi, je suis une femme, c'est ça que je trouve jolie chez une femme. Donc, toi, tu sais ça. Il y a aussi les yeux, c'est que je donne aux raisons musulmans. Ouais, car c'est carré, non. Et même les yeux, mais même les yeux, c'est joli aussi. Tu vois que c'est pas les yeux. Après, chez moi, non. Moi, je te trouve, j'ai lu cette personne là-bas. La première chose qu'il y a d'abord, c'est d'abord la face. Le but, c'est tout ce que tu parles, tu parles de Par exemple, tu parles de ce que Dieu lui dit. Tous les hommes, d'abord, en général, les hommes trouvent le visage joli. Non, il dit une fois de plus, tu parles de ce que Dieu dit. Parce que ce que Dieu dit, c'est que l'homme dit. Il a demandé la descente. Non, il faut qu'on finisse. Il a demandé qu'on soit descente. Voilà, maintenant, là, je te pose la question. Tu as dit que si tu es jusqu'ici, tu penses qu'il n'y a pas de mal à cela. Alors, je te pose la question. La descente, quand il parlait de quoi? Lui. Accoutrement à l'apparence. Okay, non, quand il parlait de la descente, tu as dit que c'est jusqu'ici à nouveau, s'il n'y a pas de madame, il y a de descente. Donc, il t'a donné la limite de la descente. Est-ce que tu as lu la Bible pour savoir la limite de la descente dont Dieu parlait? Non. Mais tu, non, tu as fini maintenant à dire que tu sais que lui, il aime telle chose, que pour lui, c'est bon. C'est la descente, c'est la descente. Et tu as la limite de la descente, c'est comment? Cache les orteils. Mais elle pas trop séparée. Pas trop séparé. Il a dit que tu ne pas trop séparé. Elle est sec. Oui, je vois, oui. Attends, paru, j'ai oublié la parure. Ok, on va lire ça, d'accord. Oui, trop de parure, pour se faire voir. Il y a ça là. Oui, oui, il a dit trop de parure. Ça dit qu'il faut séparer seulement un peu. Oui, décemment, donc simplement. Regarde ici, c'est ici que ça passe. Oui, simplement. Donc, ce que tu en as dit, c'est que la femme. Oui, oui, non, c'est de vous dont on parle, pas des hommes. Donc. C'est ça qui fait la femme, bien sûr. Oui, c'est vrai, on dit que d'après ce que tu en as dit, tu en as dit que la parole de Dieu dit. Qu'on ne sait pas beaucoup, c'est un peu. Oui. 1 Timothée 2. Ça, c'est le nouveau, mamie. Oui, attends. 1 Timothée. Oh, combien est-ce qu'on est? Chapitre. Chapitre 2. 1 Timothée. Oui. Je veux que tu dis d'abord dans la version des témoins de Jéhovah. Ah. Chapitre 2. Je veux que tu lises le verset 9. 9. 10. 10. De même, je veux que les femmes se parent dans une tenue bien arrangée, avec modestie, voilà, modestie, et bon sens, non pas avec des façons de se tresser les cheveux et de l'or ou des perles ou des vêtements coûteux. Mais comme il convient à des femmes qui déclarent reverrer Dieu, c'est-à-dire grâce à des œuvres bonnes. Dis-nous donc ce qu'on a dit dans la maison. Avec modestie. Non, mais dis pas avec modestie. C'est le mot modestie. Qu'est-ce qu'on a dit? Bon, ils disent que non. Comme je dis, c'est le mot. C'est la même vie pour moi. Ils demandent à la femme. C'est Dieu qui parle. Qui demande à la femme de se parer. Non. Non, je veux que la femme se pare, oui. En tenue bien arrangée. Avec modestie. Et bon sens. Non pas de façon de tresser les cheveux. Et de l'or ou des perles. Ou des vêtements coûteux. Voilà, l'or, les perles, ça coûte cher. Ne veut pas combien les choses. Oui, je veux pas. C'est ce qu'on parle, non. Quand il parle de coûteux. Mais quand on avait, il y avait des petits, il y avait des bois. On a dit vêtements coûteux, c'est le vêtement non? Non, laisse citer. Vêtements. On a dit vêtements coûteux. Laisse citer. Et tout ce qui c'était cher, l'or c'est cher, les perles c'est cher. Et les vêtements coûteux. Oui. Moi c'est les perles. Non, c'est pas les perles, je peux préciser. C'est quoi là? Non, les perles c'est les perles de la mer. Tu vois la perle? Mais dans les mers, les coquilles, les perles d'abord, blanches, les d'abord, dis-nous, laissez-la s'exprimer. Dis-nous d'abord ce qu'on dit là-bas, d'abord. Donc, moi, je comprends ici. Écoutez. C'est pas la paix, tais-toi. Écoutez. Ici, là. Écoutez, en général, la soeur Georgie. Oui, sœur Georgie comprend ici que Dieu ne veut pas que la femme soit extravagante à la mesure où il faut qu'elle porte des trucs chers. Parce qu'en portant des trucs chers, extravagants, on va la regarder. Ça va admirer la société, les appels. On va vraiment la Bible, on sait plus rien. Parce qu'elle met les trucs chers, les mamans Galaxy, c'était cher. Un petit téléphone pour ça, c'est rien, on veut pas ça. Maintenant, après, les gros téléphones. Georgie, ça va, c'est bon. Lis la parole, le plus blessé. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières. Non, tu es au verset 1. Verset 9. Va au verset 8 et 9. Chapitre 1. Dis le verset 9 et 10. Oui, 9 et 10. Écoutez. Le 9 et le 10. Chapitre 2, il est au chapitre 2. Je veux aussi que les femmes, écoutez bien, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, oui, ne se barrent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Stop. Je vais encore réciter ce qu'on a dit là-bas. Il dit, je veux aussi que les femmes, je vais mettre vêtues de manière décente, avec pudeur et modestie. Je vais, bon, je crois que tu as la Bible devant toi. Oui. Tu vas lire, je veux aussi que les femmes, d'accord, il y a une virgule. Après ça, il y a vêtu d'une manière décente avec pudeur et modestie. D'accord, oui. Maintenant, tu vas lire, tu as vu après modestie. Oui. Tu lis, je veux aussi que les femmes. Tu lis à partir de naissé. Allons-y. Je veux aussi que les femmes ne se parent ni de tresses, oui, ni d'or, oui, ni de perles, oui, ni d'habits somptueux. Ça devient une interdiction ou bien on met un peu. Georgie, stop. C'est une interdiction. Oui. Elle doit mettre un peu ou bien on dit qu'elle ne met pas du tout. Elle ne met pas du tout. Oui. Elle ne se barre. Non, c'est la négation. Je ne veux pas qu'elle mette des perles, de l'or, des habits somptueux. Mais elle va être c'est ce qui est cher qui ne veut pas. C'est ce qui est modeste. Ah, c'est qui est sain, c'est qui n'a pas de valeur aux yeux. Tout le monde peut avoir ce que tu as, c'est quoi? Tu parles de l'or. Suis, relis exactement ce que j'ai dit de lire. Allons-y. D'accord. Je veux aussi que les femmes ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Qu'est-ce qui est somptueux? Les vêtements. C'est tout. Non, les vêtements. Il a dit, ni les vêtements, les vêtements. Il n'y a pas d'or somptueux. Il n'y a pas de perles somptueux. Il y a l'or. Il n'y a pas de somptueux. L'or, c'est l'or. L'or, c'est l'or. L'or est somptueux. L'or est somptueux. L'or est somptueux. Comment tu vas préciser? Il peut mettre les habits maintenant. Non, parce que si c'est pas son chien, tu as mis pour habit. D'accord. Coûteux, son chien. Coûteux est mis pour habit. On a cité perles, on a cité stress, on a cité et on a cité habit somptueux. Parce que si on dit ne s'est pas d'habit, ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'on a dit que la femme ne s'habille pas. Ni de tresse. D'accord. Et quand on va se confier, bien sûr, si vous voulez qu'on parle, si vous voulez comprendre. Les blancs sont pas là, je veux. Nous, on a plaisir. Si vous voulez discuter, faire mon ordre, et pas voir ma femme. Je voulais qu'il parte. Vous avez dit que vous voulez comprendre, non? Oui. Ou bien vous voulez m'enseigner. Si vous voulez m'enseigner que je mets aussi le rasta, vous me dites, j'ai mal, il me plaît, vous m'enseignez. Je fais comment? Non, maman, frère Junior. Frère Junior, ça peut même peigner encore aussi. Non, ne dis pas que ça peut dire que. D'accord? Non, ça n'a pas de rapport. Ne dis pas, ne donne pas. Quand tu ne comprends pas, demande qu'on t'explique. Parce que aujourd'hui, quand tu suivais l'émission, tu as dit que si c'est comme ça, tout est du monde, le portable est du monde. On en a parlé du monde, tu as dit de sortir aujourd'hui. Non, pas bien. Tu veux dire que c'est la parole de Dieu. C'est pas moi qui l'ai écrit. C'est la parole de Dieu. Oui. Et si tu dis que je suis serviteur de Dieu, ça pense que tu sais que Dieu m'a envoyé qu'on dise là. Même les tresses ne doivent pas se tresser. Je suis en train de parler de Dieu, tu t'insistes encore là. Maintenant, c'est quand tu dis les tresses. Je suis encore. Et tu dis que tu ne comprends pas. Oui, tu n'as pas trop de tresses. Wow. Elle va te tresser. Oui, c'est ce qu'il dit. Reste tranquille, je vais t'expliquer, d'accord? Fire. Laisse-moi la faire. Mais hier, tu as dit que tu étais chrétienne. Quoi? Je recommande encore la question. Je recommande la question que tu poses de lui. Si elle était pleine de cheveux. Je veux que si elle a les cheveux, si elle a pas les cheveux. J'ai appelé les cheveux partout. Pour le coup, tu plais à Dieu. Moi, avec plaît à Dieu. Moi, je comprends. Non. Je réponds seulement à la question que tu poses. Je reste tranquille. Je n'ai pas dit que tu comprends quoi. J'ai dit, vous voulez vous plaire à Dieu, c'est oui. Ou non. Oui, oui, moi, plaire à Dieu. Vous voulez plaire à Dieu? Ouais, laisse-moi tranquille. Mais pas à Dieu. Même tu as permis que le tout travaille chez Pharaon. Vous êtes dans un Timothée, non? Avancez jusqu'à 1 Jean. Attends, s'il vous plaît. Avancez devant. Jusqu'à ce que vous trouvez 1 Jean. Ah, pourquoi Timothée? Non, comme tu l'as dit, avance devant. Vous allez trouver le premier épître des gens. J'ai trouvé.

Non, c'est pas toi qui a dit. Non, mais à cause des tresses que tu fais du départ. Pourquoi? Quelle tresse? Quelle tresse? Ça fait quoi? Tu vas te parer. Même pas ce qu'il a dit. On t'a dit, c'est ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il a dit? On a dit, nous, on n'a pas ce qu'il dit. Même les vrais. Même les vrais. Même les vrais. Il a dit. Non, il a précisé. Il a cité. Il a cité. Il a cité. Quoi? Sinon, on a dit, tu dis, mais même le diamant. Tu te dis, tu veux le diamant. Tu fous quoi le diamant? Moi, je veux de l'or. Il faut quoi le diamant? Ça me rend belle, on me rend belle. Quand tu poses les chaînes là, les chaînes là, c'est quoi? C'est pas l'or. C'est ça qui l'interdit. C'est ça qui l'interdit. Il a dit, oui, bijoux, il a dit, bijoux. Il a dit, habits somptueux, il a dit, bijoux, d'avoir des diamants. Tu dis, nous, on a dit quoi? Il a dit, c'est des femmes. Ni bouffe, ni le marbelette. Il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, bijoux, alors là, il a dit, bijoux. Ils le sont coûtés aussi. Il a dit, bijoux. J'ai dit merci au Seigneur pour vous. Oh, pourquoi tu m'en bats? Je m'en bats pas. Je m'en bats pas. Je m'en bats pas. Je m'en bats pas. Je m'en bats pas. Je m'en bats pas. Je m'en bats pas. Je m'en bats pas. Je m'en bats pas. Tu n'as pas bien compris le message. Là, il n'a pas précisé, il n'a pas dit bijoux. Ce qui me plaît, c'est que quand on va sauter, c'est une autre bouche que tu vas te faire. J'ai pas dit ça. Moi, je m'en bats. Quand on va poser les questions, tu vas me mettre en bas. Tu parles de la vie. Non, je ne comprends pas. J'ai pas dit de ça. Attends, tu sais. Attendez. J'ai pris un seul passage dans lequel c'était contenu. Père, c'est pas tout le passage de la Bible là-bas. Je vais encore prendre d'autres passages. Après ça, on va voir. C'est dans ça que j'ai ça va être bon du tact. C'est ça que j'ai et que on ne va rien mettre. Non, moi j'ai pas le droit de me mettre. Il a cité, il a dit bijoux, il a dit or et diamant. Ça ne fait pas l'espoir. Il faut que tu fasses quoi? C'est que le Seigneur fait. Je vous connais, vous les femmes, d'accord? Oui. Mais là, désolé, quand on va vouloir parler, quand on va vouloir parler, levez seulement la main. Ça touche. Ça fait elle, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Bon, on va aller doucement. On va aller doucement. Moi, je veux que. Parce que moi, je veux que mon cœur soit troublé là. Et moi, c'est que je veux que le Seigneur me propose là maintenant. Que est-ce qu'on ne doit pas mettre des bijoux? Oui. Est-ce qu'on doit mettre les chaînes ou les bracelets? Oui. Oui ou non? Oui, voilà. Mais. Donc, on, vous ne parlez plus donc jusqu'à ce qu'on réponde, on ait répondu à cette question. Il n'y a pas de problème. Voilà. Est-ce que mon esprit. Ça s'est un peu calmé d'avant. Non, tu ne peux pas parler parce que. Mon esprit n'était pas troublé. Mon esprit n'était pas en. Si vous voulez comprendre, oui. Je suis là pour vous. Ce n'est pas vous seul, c'est tous ceux qui vont écouter. D'accord? Oui. Vous n'êtes pas seul dans cette situation. Je veux qu'on aille doucement. Mais vous allez, on va, avant d'avancer, il faut qu'on ait, on sache où on est dans la route. Quand vous allez quelque part où c'est mouillé, ou tester à votre pied, on ne met pas le pied tout simplement parce que vous pouvez être comme ça, ça entre. D'accord? Parce que c'est la boue. Maintenant, c'est quoi? Tu vas t'entendre. Suivez attentivement. Il faut que vous répondiez encore à la question. Voulez-vous servir le Seigneur, oui ou non? Non, le servir. C'est pas la Bible, le servir. Ah, pas ça. Pas le servir. Moi, je suis enflammée. Vous ne devez pas poser une question. Laissez-moi dire que vous voulez le servir. La question va être pour vous, Gina. J'ai le droit de parler. Laissez-moi parler. Qui t'a péché? Je sais que vous le servir, non. Mais. Je sais. Il sait. Il sait dans mon cœur. C'est ça, alors, la vérité. Tu vois, non, écoute. Et ouais. C'est tout, non. Laisse-moi ce que tu vas raconter là. Pourquoi tu vas parler de la vérité? C'est toi qui dois raconter. Ok, tu vas raconter la vérité et tu acceptes la vérité. Non, non. Oh, même en face, ça se passe. Il est dans ses commandements. C'est pour ça qu'il y a deux chemins à part. Tu te vois que tu ne peux pas, tu pars. Tu veux la raconter? Tu veux la raconter? Qui nous allons maintenant, non? Ça va nous continuer, non? Je veux qu'il parle. pas. Là, c'est sûr que je peux, non. Non, j'ai posé la question. Je voudrais poursuivre. Je vais d'abord tout connaître. Si on peut être ou pas, ça, on peut pas les. Je ne connais pas, mais je connais si elle dedans. Il faut suivre Dieu à cause de Dieu. Il faut prendre l'engagement à cause de respect. Attendez. Et moi, je ne suis pas là. Mais si je veux suivre, je veux la vérité. Attendez, mes chers. Moi, je veux la vérité. Oui, moi, je veux connaître. Là où tu veux comprendre, c'est la vérité. C'est pas la vérité. N'est-ce pas? Oui. C'est vrai que si on voit à l'intérieur le bijou, qu'est-ce que tu vas faire? Si elle est bijou, si elle dit qu'on ne porte rien. Qu'est-ce que tu vas faire donc? Je vais encore bien réfléchir mille fois. Donc ça veut dire que ça vaut pas la peine que je parle. Va d'abord réfléchir. C'est bon, ok, mais elle est mal. Elle est déjà avertie. On te donne d'abord le papier. Tu lis, tu lis, tu es d'abord la conscience. Suis. Et dis que non, je fais le mal. Vous voyez? Non. Tout à l'heure, lorsqu'on a mis un Timothée, on a parlé de l'or. Tu vois, vu comment c'est écrit l'or. On a parlé des perles. Là, tu t'es esquivé en disant que tu ne portes pas de l'or, tu ne portes pas de perles, n'est-ce pas? Moi-même, oui, c'est moi. Donc, si je montre un bijou. Suis. Je vais te donner. Voilà ce qu'il a dit, tu ne comprends pas. Je vais parler alors. Si je montre un bijou, est-ce qu'à cet instant-ci, tu es prêt à ne plus jamais porter? Faya, tout ce que j'ai là-bas à la maison, c'est tout ça qui. Tu donnes pas personne, tu vas engager. Tu jettes. Tu jettes simplement. Tu enterres ça, ça ne ramasse pas. Il va seulement envoyer aller. Moi, je veux pas bijou. On avance. C'est un bijou somptueux. Il y a quelque chose qui va se faire après. Je suis sûr de moi. On ne peut pas pêcher pour notre mais mettre quand même, c'est quand même, je coquette quand même. Mieux vaut malheur. Le père même plus mou, là, même plus. Et mais vous me voyez mal. On fait 40 ans. Moi, c'est ma femme. Je parle à mon Dieu. Les gens qui ont donc tu le sermons. Je ne sermons pas. Ou bien tu as lui dit que pourquoi. Alors, on doit parler de ce moment. On doit aller avec le chat. Quand il a dit oui, comme un dictateur, on doit. Quand Dieu a dit que tu ne dois pas forniquer. Ma chère, quand Dieu dit que tu ne dois pas forniquer, tu as quelque chose à lui demander par la suite. Dans ce cas, qu'est-ce que tu dois donner ici? Il dit, parce que ça, c'est au cas de fornication, il dit tu ne dois pas faire telle chose, tu ne dois pas faire autre chose, tu ne dois pas consulter le marabout, tu ne dois pas faire telle autre chose. Ce sont les choses de ses commandements. Est-ce que tu as des reproches à lui faire? Non. Bon, quel est ton rôle en écoutant le commandement? Ton rôle, c'est de faire quoi? Ton rôle, c'est de faire quoi? Le servir, de le servir. Moi, là, je le sais maintenant, comme je le sais, là. C'est ma position, il va me mettre là où il m'a placé. Bon, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que. Si, regarde. Je réfléchis, le récit, je vais dire. Regarde. Je ne veux pas porter ça, moi, là, que mourir. Ma... Avec la conscience que je l'ai rejeté, c'est bien, je ne suis pas encore prêt. Ma chère, regarde ce que je tiens en main. C'est quoi? Qu'est-ce que je tiens en main? La Bible. Ça, c'est le notice pour le servir. Donc, on le sert conformément à ce qui est ici dedans. Sinon, tu ne le sais pas du tout. Qu'est-ce que tu en dis? Chacun ne dit pas que je le sais, Dieu comme moi le pense. Il a déjà pensé ça ici dedans. Il a dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. C'est contenu là-dedans. C'est un peu comme le code pénal ou bien la constitution. Le Cameroun est géré après la constitution. On ne peut pas parce que je. Le président passe les verres de ces 4 matins. Mais le même, elle n'attend, ne se stresse pas. Je sens de parler, tu parles de nature. On n'a pas fini avec les bijoux. J'arrive, ça, j'arrive, mais on ne veut pas. Il a dit de la tresse, j'ai compris. Allez, let's go. Donc, moi, ma cousine, si le Cameroun, au Cameroun, dans la constitution, si le président prend un décret qui est anti-constitution, parce que là, la constitution définit les rôles et les prérogatives du chef de l'État. Et s'il fait quelque chose qui est contre la constitution, la loi même va l'arrêter. Donc, la constitution étant bien écrite, quand quelqu'un est président, il entre dans l'office du président, il commence à faire ce que la constitution dit et il ne doit pas aller au-delà. D'accord? S'il veut agir en tant que président, c'est parce qu'on a dit que les présidents doivent faire des choses, d'accord? De la même façon, si vous êtes chrétien, c'est ici. Hier, j'ai entendu parler par rapport à cela. Le début de cela, c'est le baptême. Donc, on doit te baptiser au nom du Seigneur Jésus. Ça, c'est le début. Maintenant, il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas me baptiser, il ne faut pas réfléchir. Si tu ne pas réfléchir, tant que tu en réfléchis, tu n'es pas encore chrétien. Donc, il faut te poser ça de côté. Parce que tu as commencé par le premier pas, maintenant tu finis de baptiser, on commence à t'enseigner cela. Jésus-Christ, quand Jésus-Christ enseigné, il enseignait, après les gens prenaient, ils disaient oui ou non. Et quand on t'enseigne par la suite maintenant, il dit enseigner, il nous a donné l'ordre de vous enseigner à observer. On vous enseigne pour que vous ne discutez pas. Il n'a pas dit, Matthieu chapitre 28 dit. Même à l'école, même quand le professeur. Ça, c'est à l'école. Ouais, Matt, pardon, tu as fatigué. Dans Matthieu chapitre 28. Il a dit. Dans Matthieu chapitre 28, quand Jésus a parlé, il a dit. Tu as mille bouches. Vous y êtes. Il y a mille bouches. Attends de voir les bijoux là. Je peux avancer. Alors, moi, quand il lui sert, moi, ça m'a rassuré de savoir que non, je peux m'habiller décemment, je peux coudre ma jolie robe droite. Je peux m'attaler, ma petite talon, ma petite talon, donc maintenant, je marche, je vois que... Je sais que ça ouvre, pas qui ça. On m'a montré, non, il a dit bijoux, somptueux. Bon, maintenant qu'il nous montre, on continue alors maintenant. Donc Matthieu, chapitre 28. Matthieu. Dans Matthieu, chapitre 28, j'ai lu les versets 19 et 20. Le verset 19 dit... Vous ne comprenez pourquoi. Chacun a son salut ici sur la terre. Matthieu. Tu as ma façon là, ça... Donc quand tu fais ça, bagasse. Dieu n'a pas extravagant, c'est ça qu'il condamne ici l'être à présent. Je peux prendre un serment, après ça me calme, c'est toi qu'on va caler, c'est toi qui seras vraiment ta caler sur le coup. C'est un serment, qu'est-ce que c'est un manque de mal. Toi tu es là pour les stars devant nous tous comme ça, tu dis oui, mais devant là-bas, tu vas parler aux gens. Tu vas parler aux gens. J'ai dit oui, il comprend qu'il va venir. J'ai le droit de me parler. Moi jusqu'à présent, j'ai compris que non, l'extravagant c'est devant Dieu n'est pas bon. Pourquoi les gens ne me touchent pas? Parce que je suis pressé, il faut qu'on nous demande on fait du bijou, on a dit t'allais, on fait pas pour avancer. Non, non, non, tu veux vivre ton cœur. Tu veux pas comprendre. Tu veux que Dieu comprenne. C'est pas toi que tu veux. À ce moment, tu veux, tu ne comprends pas. Il a dit, c'est toi, continue, non, mais ce. Ok. Comme ce que c'est lui qui m'a créé, non. Il va comprendre mon cœur, n'est-ce pas? Je veux aussi comprendre ses principes, non. Donc, tu ne veux pas comprendre. Oh, tu vas depuis, tu vas accepter comme ça. Je vais d'abord marcher. Tu ne veux pas comprendre. Tu vas réfléchir, va réfléchir. Continuons. Tu veux écouter. Tu ne peux pas. On te dit, c'est jusqu'à présent que non. Je vais écouter. Moi, je j'ai compris. Ce que j'ai compris, c'est que non. Dieu n'aime pas l'extravagance. Même pas c'était les chaussures de Baphomet. On bouge la lèvre là. On n'a pas dit bouge la lèvre. On a dit belle. On a dit habit somptueux. Qui en est basé, ce que je veux dire, finalement, je peux me mettre mon rouge à lèvres simplement, je peux pas me tresser, ouais, merci, j'ai mon afro, mes cheveux naturels, je peux prendre ma robe, travailler au genou, je mets ma petite talon. On continue, moi je veux voir les bijoux. Et ça, elle a dit bijoux, je ne mets pas les bijoux. On continue. Je vais avancer, je peux avancer. J'étais en train de dire dans Matthieu chapitre 28. Le verset 19, le Seigneur a dit à nous donnant l'ordre, de vous enseigner à observer. On n'a pas dit qu'on vient discuter avec vous. On va venir vous dire que Jésus a dit. Et vous montre. Si on vous montre, vous n'avez plus le choix. Oui, il n'y a plus de discussion. Elle peut méditer. Elle médite encore. Tu peux encore méditer, encore prier, encore Dieu donne la force, le pouvoir, respecter son commandement. Dieu a dit. Déjà, c'est pas comme ça. Tu peux méditer, non? Il dit le jour tombera 7 fois. Là. Tu peux méditer. C'est pas que tu peux pas me lever un bon matin comme ça. C'est que je le trouve. Tu es en train de lever, donc je vais rentrer, porter les talons. Ah, est-ce que tu veux rentrer, porter les talons? Bon, maintenant, je vais poser une question. Tu veux voir les bijoux, n'est-ce pas? Toi? Oui, d'abord, même pas voir les bijoux. Non, oui, et tu as dit. Les talons aussi. Et tu as dit que si tu vois tout cela, tu vas obéir. Heureusement, même pas les bijoux, quand vous pouvez les traiter, il me reste plus. Non, réponds moi. Oui, les bijoux, mais pas les bijoux. Donc, je vais être avec mais toi. Mais il y a aussi les maquillages, le rouge à lèvres, tout mais ça. Mais t'inquiète pas, je vais donc te poser des questions avant d'avancer, quand je lui ai posé des questions. J'ai mon noir, j'ai mis le noir. Je vais donc poser des questions, comme j'ai posé la question à Marthe, je vais te poser des questions. Oui. Maintenant, tu as compris, donc il faut être décent, il faut se couvrir, n'est-ce pas? Est-ce que maintenant, là, tes matelots que tu as à la maison, tu vas rentrer, tu vas les jeter? J'ai pas les matelots, mais. Pardon? J'ai pas les matelots. Pardon. En fait, maintenant, mais tu mets ça à la maison. Quand je suis à la maison. Non. Je viens de dire quelque chose, tu me dis que je suis en train de mentir. Il dit, quand tu vas rentrer d'ici, est-ce que tu vas jeter tes matelots? Tu me dis que je n'ai pas de matelots. J'ai un matelot, non, c'est pas les culottes. Regarde-moi ici, regarde, c'est pas ici, c'est pas ça. Quand tes matelots, c'est vrai que tout ce qui est sexy, c'est pas forcément les culottes. Non, attends, c'est avec qui je parle. Oui, c'est vrai qu'on dit que, puisqu'avant, on va avancer. Il faut qu'on avance un temps sur qu'on a de se comprendre. C'est ce qui est sexy, hein. C'est-à-dire qu'en commençant par les jupes courtes ou qui montrent qu'on voit tes cuisses, quand tu vas rentrer, ça doit quitter ta maison et tu ne dois plus les porter, n'est-ce pas? Quand on va les cuisser, ok. Hey, ma robe, là, mais ça, ou non, ma robe qui est ouverte ici. Ma gamme, c'est vraiment réfléchir encore. Ok. Non, c'est moi si je dis qu'on a la vérité. Pourquoi t'as tendu une erreur? Je vais devoir jeter ça, vous me voulez. Donc, ça veut dire que nous comprenons devant le Seigneur. Maintenant. Ok, donc je vais peut-être serment. Oui, quand je peux serment. Ce n'est pas, ah, bon, ce n'est pas un serment. Je recommence encore, je vais citer encore l'écriture. Jésus nous a dit enseignez-leur à observer. Vous savez pourquoi? Ouvrez Jacques. Jacques. Oui, tout le monde est dans 1 Jean. Allez vers le bas là-bas, c'est vers la saison là.